La cité mystique de Dieu par Marie d'Agreda, tome 3, Pouciel Guruzan 1857, livre 4e, chapitre 14, L'enfant Dieu est circoncis et appelé Jésus. Il y avait à Bethléem, comme dans plusieurs autres villes d'Israël, une synagogue particulière où le peuple s'assemblait pour prier, Judith, 6, 21, Actes des Apôtres, 13, 11, c'est pourquoi on l'appelait aussi maison d'oraison, et pour y faire la lecture de la loi de Moïse, qu'un prêtre lisait et expliquait en chair d'une voix intelligible, afin que le peuple en comprît les préceptes. Maison, n'offrait point de sacrifice dans cette synagogue, car cela était réservé pour le temple de Jérusalem, si le Seigneur n'en disposait autrement, parce qu'il n'avait pas laissé le choix du lieu à la liberté du peuple, comme on le voit dans le Deutéronome 12, 5 et 6, pour éloigner le péril de l'idolâtrie. Mais le prêtre, qui était le maître ou le ministre de la loi, l'était aussi de la circoncision, non par un précepte qui obligea, car chacun pouvait circoncire même sans être prêtre, mais par une dévotion spéciale des mères, qui laissait croire à la plupart que les enfants ne couraient pas tant de danger s'ils étaient circoncis par la main du prêtre. Notre auguste reine voulut, non par cette crainte, mais à cause de la dignité de l'enfant, que le ministre de sa circoncision fût le prêtre qui se trouvait en Bethléem, et c'est pour cela que son bienheureux époux Joseph l'appela. Le prêtre vint dans la grotte de la Nativité, où le Verbe incarné et sa mère vierge, qui le tenait entre ses bras, l'attendait. Il était accompagné de deux autres ministres, qu'il aidait ordinairement dans le ministère de la circoncision. L'horreur de l'humble réduit surprit et contraria un peu le prêtre. Mais notre très prudente reine le reçut et lui parla avec tant de modestie et de grâce, qu'elle sut bientôt changer cette impression fâcheuse en dévotion et en admiration des manières si honnêtes, si modestes et si dignes de la mère. De sorte qu'il se sentit porté, sans en connaître la cause, à respecter et à vénérer, une si rare créature. Et quand il eut jeté les yeux sur la mère et sur l'enfant qu'elle avait entre ses bras, il éprouva dans son cœur quelque chose d'extraordinaire qui lui inspira une très grande dévotion et une tendresse singulière. Étonné de ce qu'il voyait dans une telle pauvreté et dans un lieu si misérable. Et au moment où il toucha la chair déifiée de l'enfant Dieu, il fut aussitôt entièrement renouvelé par une vertu secrète qui le purifia et le perfectionna, et lui donnant une nouvelle grâce, elle le rendit saint et fort agréable au souverain Seigneur de l'univers. Pour faire la circoncision avec toute la révérence extérieure qui était possible dans un tel lieu, Saint Joseph alluma deux cierges, et le prêtre dit à la Vierge Mère de se retirer un peu, et de remettre l'enfant au ministre, afin d'éviter la douleur que la vue du sacrifice lui causerait. Cet ordre mit notre grande dame dans l'irrésolution, car son humilité la portait à obéir au prêtre, et d'un autre côté l'amour et la révérence qu'elle avait pour son fils unique la retenaient. Et pour ne point manquer à ces deux vertus, elle pria le prêtre avec beaucoup de soumission de vouloir lui permettre, s'il était possible, d'assister au sacrement de la circoncision, pour la grande estime qu'elle en faisait, disant qu'elle aurait assez de courage et de force pour tenir son très saint fils, qu'elle ne saurait se résoudre à quitter, et qu'elle le suppliait seulement de procéder à la circoncision avec toute la douceur possible, à cause de la complexion délicate de l'enfant. Le prêtre promit de le faire, et permit à la mère de tenir l'enfant entre ses bras pendant la cérémonie. De sorte quel fut l'autel sacré sur lequel les réalités que les anciens sacrifices représentaient, commencèrent d'être accomplies, offrant elles-mêmes de ses mains ce sacrifice nouveau et du matin, afin qu'il fût dans tous ses détails agréable au Père éternel. Épître aux Hébreux, 9, 6, etc. La divine mère démaillota son très saint fils, et tira de son sein un linge qu'elle y échauffait par la chaleur naturelle, à cause du froid rigoureux qu'il faisait alors. Elle prit avec ce linge l'enfant entre ses mains, de manière à y recevoir les reliques et le sang de la circoncision. Le prêtre fit son office, et circoncit l'enfant Dieu et homme véritable, qui offrit en même temps avec une charité immense au Père éternel trois choses d'un si grand prix, que chacune suffisait pour la rédemption de mille mondes. La première fut la forme du pécheur qu'il avait prise, étant innocent et fils du Dieu vivant, Philippiens 2, 7, 2, Corinthiens 5, 21, car il recevait le sacrement qui était administré pour ôter la souillure du péché originel, et s'assujettissait à la loi à laquelle il n'était point obligé. La seconde fut la douleur qu'il ressentit comme homme véritable et parfait. La troisième fut le très ardent amour avec lequel il commençait à verser son sang pour le prix de la rédemption des hommes, et il rendit des actions de grâce au Père pour lui avoir donné un corps, afin de pouvoir souffrir pour son honneur et pour sa gloire. Le Père reçut avec complaisance cette prière et ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, et commença, pourrait-on dire, à considérer le genre humain comme libéré de sa dette. Le Verbe incarné offrit ses prémices de son sang pour gage de ce qu'il le donnerait jusqu'à la dernière goutte, pour consommer la rédemption, et acquitter l'obligation qui grévait les enfants d'Adam. Épître aux Colossiens 2, 14. La très sainte mère observait toutes les actions et les opérations intérieures de son Fils unique. Elle pénétrait avec une profonde sagesse le mystère de ce sacrement, et s'associait de son côté, dans les limites de son rôle, à son Fils et à son Seigneur en ce qu'elle faisait. L'enfant Dieu pleura comme homme véritable. Et bien que la douleur de la plaie fût excessive, tant à raison de la délicatesse de sa complexion qu'à cause de la rudesse du couteau, faite d'une pierre à feu, ce ne fut pas tant la douleur naturelle qui lui arracha des larmes, que la science surnaturelle avec laquelle il prévoyait la dureté des mortels, plus invincible et plus forte que celle de cette pierre, pour résister à son très doux amour et à la flamme qu'il venait allumer dans le monde et dans les cœurs des fidèles. Luc 12, 49. La tendre et amoureuse mère pleura aussi comme une simple brebis qui mêle son bêlement à celui de son innocent agneau. Dans leur mutuel amour et leur mutuelle compassion, il se rejeta sur sa mère, et elle le pressa doucement et avec tendresse contre son sein virginal. Elle prit ensuite les sacrées reliques et le sang versé sur le linge, et remit le tout à Saint Joseph, pour prendre soin de l'enfant Dieu et l'envelopper de ses langes. Le prêtre fut en quelque façon surpris des larmes de la mère, et quoiqu'il en ignorât le mystère, il lui parut que la beauté de l'enfant pouvait bien exciter en celle qu'il avait mis au monde une sollicitude aussi tendre et une aussi vive douleur. La reine du ciel montra tant de prudence et de magnanimité dans toutes ses œuvres, qu'elle provoqua l'admiration des cœurs des anges, et mérita toutes les complaisances du Créateur. La divine sagesse qui la conduisait éclatait en toutes ses actions, donnant à chacune d'elles une perfection consommée, comme si elle n'eût été occupée qu'à une seule. On la vit pleine d'un courage invincible pour tenir l'enfant pendant la circoncision, soigneuse pour ramasser les précieuses reliques, compatissante pour le plaindre et pour pleurer avec lui en souffrant de sa douleur, amoureuse pour le caresser, diligente pour l'envelopper, fervente pour l'imiter en ses œuvres, et toujours pieuse pour le traiter avec un souverain respect, sans qu'elle laissât aucune interruption entre ses actes, et sans que le soin et la perfection de la nuisisse à l'attention que réclamaient les autres. Admirable spectacle en une jeune fille de 15 ans, et fécond en enseignement pour les anges de plus en plus ravis. Cependant le prêtre demanda aux saints époux quel nom ils souhaitaient donner à l'enfant circoncis, et notre grande dame, toujours attentive au respect qu'elle portait à Saint Joseph, lui dit de le déclarer. Le saint, se tournant vers elle avec une digne vénération, lui fit connaître qu'un si doux nom devait sortir de sa bouche. Et par une divine disposition, Marie et Joseph dirent en même temps, « Jésus est son nom ?» Luc 2, 21. Le prêtre répondit, « Les parents sont bien d'accord, et grand est le nom qu'ils donnent à l'enfant, puis il l'inscrivit sur le registre commun. En inscrivant ce sacré nom, il fut touché d'une grande tendresse intérieure qui lui fit verser beaucoup de larmes, et étonné de ce qu'il sentait ou ignorait, il dit, « Je suis sûr que cet enfant sera un grand prophète du Seigneur. » Ayez un soin particulier de son éducation, et dites-moi en quoi je puis vous être utile. » L'auguste Marie et son bienheureux époux répondirent au prêtre par un humble remerciement, et lui donnèrent eux-mêmes en offrande les cierges et quelques autres petites choses, après quoi, il prit congé d'eux. La Sainte Vierge et Joseph demeurèrent seuls avec l'enfant, ils célébrèrent de nouveau le mystère de la circoncision, en faisant le sujet de leur entretien avec de douces larmes et des cantiques sublimes, qu'ils composèrent en l'honneur du très doux nom de Jésus, et dans la connaissance, comme je l'ai dit des autres merveilles, est réservée pour la gloire accidentelle des saints. La très prudente mère pansa la plaie de l'enfant Dieu avec les remèdes ordinaires, et le tint jour et nuit entre ses bras pendant tout le temps que sa douleur et sa plaie durèrent, sans le quitter un seul moment. On ne saurait comprendre ni exprimer par des paroles humaines les soins amoureux de la divine mère, car son affection naturelle surpassa celle de toutes les autres mères, et son amour surnaturel fut au-dessus de celui de tous les saints et de tous les anges ensemble. On ne saurait non plus faire connaître par aucun exemple le culte respectueux qu'elle lui rendait. C'était bien là les délices que le Verbe incarné désirait et qu'il prenait avec les enfants des hommes. Proverbe 8, 31. Parmi les douleurs qu'il ressentait par les choses que je viens de raconter, son cœur amoureux jouissait de l'éminente sainteté de sa mère vierge. Et quoiqu'il se complût en elle plus qu'en tous les mortels, et qu'il se reposât en son amour, néanmoins notre très humble reine tâchait d'adoucir les peines qu'il recevait d'ailleurs par tous les moyens qui lui étaient possibles. C'est pour ce sujet qu'elle convia les saints anges qui se trouvaient présents de chanter une musique à leur Dieu humanisé, enfant et souffrant. Les ministres du Très-Haut obéirent à leur reine, et chantèrent avec des voix intelligibles et avec une mélodie céleste les mêmes cantiques qu'elle et son époux avaient composées à la louange du nouveau et très doux nom de Jésus. Par cette musique si harmonieuse, en comparaison de laquelle le plus beau concert des hommes ne serait qu'un bruit propre à écorcher les oreilles, la divine dame récréait son très aimable fils. Et beaucoup plus encore par celle qu'elle-même lui donnait par l'harmonie de ses héroïques vertus, qui faisaient dans son âme très sainte comme autant de cœurs et d'escadrons bien rangés, ainsi que le Seigneur lui-même et son époux le lui dit, dans les cantiques. 7, 1. Le cœur humain est dur et plus que pesant pour pénétrer et reconnaître des mystères si vénérables que l'amour immense de son Créateur et Rédempteur a destiné pour son salut éternel. Ô mon Dieu et la vie de mon âme, comme nous vous payons mal de retour pour les tendresses de votre amour infini. Ô charité sans borne et sans mesure, puisque vous ne pouvez pas être éteinte par l'abondance des eaux de nos infidélités et de nos ingratitudes. Cantique des Cantiques, 8, 7. La bonté et la sainteté par essence ne sauraient descendre plus bas, ni nous obliger davantage, que de prendre la forme de pécheur et de recevoir, étant l'innocence même, le remède du péché, qui ne pouvait point l'atteindre. Épître aux Philippiens, 7, 2, Corinthiens, 5, 21. Si les hommes méprisent cet exemple, s'ils oublient ce bienfait, comment oseront-ils dire qu'ils ont du jugement et de la raison? Comment seront-ils assez présomptueux pour se glorifier de leur sagesse et de leur intelligence? Qu'ils seraient prudents, ô homme ingrat, si de pareilles œuvres de Dieu ne te touchent point, de t'affliger de ton insensibilité et de pleurer une si lamentable folie et une dureté si effroyable, que tous les feux de l'amour divin ne suffisent point pour fondre la glace de ton cœur. Instruction que je reçus de mon auguste maîtresse. Ma fille, je veux que vous considériez attentivement la faveur que vous recevez lorsque je vous fais connaître avec combien de soin, de sollicitude et de tendre dévotion je servais mon très saint et très doux fils dans les mystères que vous avez décrits. Le Très-Haut ne vous éclaire pas d'une lumière si particulière, pour que vous vous arrêtiez seulement à la consolation qu'elle vous procure par les sentiments dont elle vous pénètre, mais afin que vous m'imitiez en tout comme une fidèle servante, et qu'étant privilégiée comme vous l'êtes en l'intelligence des mystères de mon Fils, vous vous distinguiez aussi dans la reconnaissance de ses bienfaits. Or, considérez, ma très chère fille, combien son divin amour est mal payé des mortels, et combien même il est méconnu et oublié des justes. Chargez-vous personnellement de réparer ce tort dans la petite mesure de vos forces, en l'aimant, le remerciant et le servant pour vous et pour tous les autres qui ne le font pas. À cet effet, vous devez être active et prompte comme un ange, fervente dans la dévotion, ponctuelle dans les occasions, et entièrement morte à tout ce qui est terrestre. Rompre les chaînes des inclinations humaines pour élever votre vol où le Seigneur vous appelle. Vous n'ignorez pas, ma fille, la douce efficace qu'a le vif souvenir des œuvres que mon très saint fils a faites pour les hommes, et quoique cette lumière vous soit d'un puissant secours pour vous exciter à la reconnaissance, je vous avertis pourtant, afin que vous ne tombiez pas dans ce dangereux oubli, que les bienheureux dans le ciel, connaissant en Dieu ses mystères, s'étonnent de même pour le peu d'attention et de réflexion qu'ils y ont fait pendant qu'ils étaient voyageurs. Car s'ils pouvaient être capables d'y souffrir quelques peines, ils regretteraient amèrement la froideur avec laquelle ils ont apprécié les œuvres de la rédemption et la nonchalance avec laquelle ils ont travaillé à imiter le Christ. Il est certain que la cruauté que montre le cœur de l'homme, tant contre lui-même que contre son Créateur et Sauveur, jette tous les anges et les saints dans une stupéfaction indicible, et, en effet, les mortels n'ont aucune compassion ni des peines que le Seigneur a souffertes pour eux, ni davantage de celles qu'ils doivent souffrir eux-mêmes. Et quand les réprouvés, dans une consternation sans remède, s'apercevront de leur effroyable oubli et du peu d'attention qu'ils ont donné aux œuvres que Jésus-Christ a opérées pour leur salut, la confusion et le dépit leur causeront une peine insupportable, qui à elle seule sera un châtiment incompréhensible, sagesse, 5, 4, etc., en leur rappelant le mépris qu'ils ont fait de leur surabondante rédemption. Psaume 129, 7. Écoutez bien, ma fille, prêtez l'oreille à mes conseils et à la doctrine de la vie éternelle. Psaume 44, 11. Éloignez de vos puissances toutes sortes d'images et d'affections humaines. Attachez tout votre cœur et tout votre entendement au mystère et au bienfait de la rédemption. Galates 2, 20. Appliquez-vous-y entièrement, méditez-les, pesez-les, et rendez-en des actions de grâce comme s'ils n'eussent été que pour vous et pour chaque homme en particulier, ou qu'il n'y eût que vous pour les reconnaître. Vous trouverez en eux la vie, la vérité et le chemin de l'éternité, Jean 14, 6, et si vous le suivez, vous ne marcherez point dans les ténèbres, au contraire vous y rencontrerez la lumière et la paix, Baruch 3, 14. markhamdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. La cité mystique de Dieu par Marie d'Agreda, tome 3, Poussiel Gurus en 1857.